C'est Guillaume Guise. Ma mère dans la réveillée. Surtout Richard. Et je suis pas peu fier de ce lancement. Ça va, les amigos? Oui, ça va bien. Je vous ai raconté quand je travaillais à la NASA. Non, jamais. Je crois que c'est cette pudeur. Faut que j'apprenne à m'ouvrir plus. J'ai un compte en Suisse. Mon père, il m'appelait petite pute. Je l'ai jamais dit. C'est ce temps. Pas impossible. Pas impossible que je retourne bientôt dans l'espace. Quoi, Leïla, elle t'a filé un extra? Pas du tout. Non, I wish. Leïla, c'est fini le temps où elle donnait de la drogue. Gratuit aux collègues, soi-disant à cause de la crise des subprimes. C'est dommage, Suzanne, vous seriez venue encore 2 ans. Leïla, elle vous aurait dit susu, ferme les yeux, pense à rien, je vais te mettre bien. Ça vous aurait paru tellement moins long, l'émission. Bref. Oh, c'est dégueulasse. Je vous parlais de l'espace parce que l'Agence spatiale européenne recrute des astronautes en ce moment. Ah, je vais le faire. Je vais le faire. Chroniqueur sur Inter, c'est pas une vocation. Hein. Quand j'étais petit, on me demandait qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Je répondais travailler avec Daniel Morin. Non, hein. Mon père, il me disait, si tu fais pas tes devoirs, tu vas finir à 3 mètres de lui toutes les semaines. C'est ça que tu veux pour tes narines, hein? J'en ai marre. Mon astronaute, c'est mon rêve. Je crois que c'est le bon moment en plus. Là, c'est le bon moment pour se barrer dans l'espace. Quoi. Franchement, sur Uranus, tout est ouvert. Pareil qu'en soirée, ça bouge de ouf. Il y a Martin Solveig. Le shot de tequila, il est à 600 glurps. C'est même pas un euro. C'est même pas un euro. Uranus, c'est le nouveau Dubaï. Sérieux, la Terre, c'est devenu relou. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien qui va me manquer à part la Champions League. Mais ça, à la limite, je m'en fous. Je prends RMC dans la soucoupe. Et je vais faire une parenthèse sur le concept de soucoupe. Nous, les humains, quand on va dans l'espace, on va en fusée, en navette ou en station internationale. D'accord? Pourquoi les extraterrestres, quand ils viennent chez nous, on dit toujours ils sont en soucoupe? J'ai vérifié, soucoupe, c'est un synonyme de sous-tasse. Hein. C'est normal qu'ils soient vexés. C'est comme si nous, on arrive sur Mars et on entend les Martiens dire trop mignon, ils sont venus en assiette creuse. Et forcément, nous, on ne se poserait pas non plus pour dire bonjour, hein, c'est sûr. Hein. Et j'ai bien confiance que cette parenthèse ne restera pas gravée dans l'histoire de la parenthèse. Ouais, je doute fort que Mathieu Vidard monte d'un étage pour dire Ernesto, fifi d'une vache et d'un torero, tu m'as captivé. J'en doute. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour 40 balles de plus de droits d'auteur? Enfin, soit, on a encore un mois pour envoyer nos candidatures à l'Agence spatiale européenne. Encore un mois. Et après, j'ai regardé, franchement, les critères de sélection. On va pas se mentir, c'est plus facile d'entrer à la bande originale. Clairement, déjà ici, on te demande pas de diplôme. Non. Pas de diplôme. Regarde, prenez Morgane Cadignan. Ça fait quoi, 1 ou 2 ans qu'elle maîtrise le français? Et pourtant, regardez aujourd'hui où elle en est. Qui c'est qui fait ses 700 vues sur YouTube chaque semaine? C'est elle. Tout ce que Nagui lui a demandé pour qu'elle entre dans l'équipe, c'est 9000 euros. Une paille, elle a du foncier. Ah, et puis surtout, le gros avantage à France Inter, c'est qu'on ne demande pas de certificat médical. J'ai envie de dire heureusement pour moi. Quoique, à l'Agence spatiale européenne, j'ai des références médicales qui peuvent peut-être les intéresser. Dans mon dossier, je vais faire j'ai eu une de ces chlamydia de l'espace. Peut-être que ça va les séduire. Ceci dit, blague à part, il faut des références pour devenir astronaute. Thomas Pesquet, c'est vraiment l'exception. Quoi. Thomas Pesquet, il a un BTS cuisine. Dans l'espace, il fait essentiellement des pancakes. Mais c'est vrai que c'est ce qu'il disait récemment chez Dallahousse, Thomas Pesquet. Il disait, moi, si je mets autant de photos sur Insta, c'est parce que j'ai plus rien à faire après le brunch. Et c'est vrai, là, il est reparti dans la station internationale. Il disait, mon ambition pour cette mission, c'est faire un rôti. Ce serait le premier Français à cuisiner salé dans l'espace. On le salue, je crois qu'il nous écoute en plus. À cette heure-ci, il a fini de débarrasser. Mais il a quand même réussi toutes les épreuves dans la précédente sélection. C'est hardcore. Hein. Franchement, tu dois répondre à des montagnes de questions. Je crois que c'est Julien Lepers qui les pose en plus pour juger ta résistance au stress. Tu dois faire un 4 à la suite dans une centrifugeuse. Tu vomis pas, t'as un pied dans la fusée. C'est vrai, je vais bosser là-dessus. Moi, Thomas, tu nous écoutes. La prochaine fois, tu me prends avec. Allez, bonne émission, les amis. Bravo, Guy. Oh non. Non, reste avec nous.